Chapitre 16e. L'enquête cependant suivait son cours. Les jours s'ajoutaient aux jours. Soudain, une note parut dans un grand journal de Paris. On dit qu'un ingénieur du plus grand mérite, tout jeune encore et déjà parvenu à une haute position, va passer en jugement sous la prévention d'assassinat commis sur la personne de sa femme. Celle-ci n'était autre que la jolie Rose Rosier, comédienne, plus connue des amateurs de province que du public parisien. Elle a effectivement disparu depuis quelques années, sans laisser de traces. Son mari sera accusé de l'avoir tuée, pour réparer la folie qu'il avait commise en associant à sa destinée une jeune et charmante créature plus faite pour les succès du théâtre que pour la vie d'intérieur. Le lendemain, les journaux disaient tous à peu près la même chose, quoique en des termes différents. Un reporter à court de copie avait trouvé dans la boîte du journal une lettre écrite sur papier commun qui contenait les détails ci-dessus. Au risque d'attraper une amende, il avait fait passer le fait divers, intéressant en lui-même. Le lendemain, tout ce qu'il y a de désœuvré à Paris et en province commentait la vie et les malheurs de Rose qui n'avait jamais été si célèbre. À la lecture de cet entrefilet, Langlois entra dans la plus belle colère dont sa famille ait gardé le souvenir. Sa femme consternée le regardait aller et venir dans son cabinet, les bras croisés, sans dire un mot. Enfin, il prit une chaise et la lança sur le parquet avec une telle violence qu'elle volait en éclats. « Si je tenais le misérable » grommela-t-il entre ses dents. « Connais-tu des ennemis à André ? » demanda-t-il à Claire. « Quels ennemis veux-tu que puisse avoir un honnête garçon qui n'a jamais fait de tort à personne ? » répondit-elle, les yeux en pleurs. Ils passèrent en revue tout ce qu'à Chartres ou à Paris avait une réputation de méchanceté, mais ils ne songèrent pas à Brigitte. D'ailleurs, qui, sur la terre, avait remarqué Brigitte ? Le monde entier ignorait même son existence, tant la fine mouche savait passer inaperçue. Marguerite entra doucement dans le cabinet de son beau-frère, ramassa les débris de la chaise et les emporta dehors. Puis elle vint se placer près de sa sœur et lui dit simplement « Il est question de M. André ?» Le grand calme de la jeune fille étonnait toujours M. et Mme Langlois. Ils avaient peine à concevoir qu'elle pût porter si noblement le fardeau, qui leur semblait si lourd, des doutes et des inquiétudes. C'est que leur tendresse très profonde et très sérieuse n'avait pas été contrariée dans son développement. La vie avait coulé pour eux, trop sereine et trop douce, tandis que rien ne fortifie l'amour véritable comme la lutte avec les dangers et les chagrins. « Oui, » répondit brusquement Langlois, honteux de s'être ainsi laissé emporter. « On le calomnie, on veut le perdre. » « Ne le lui laissez pas connaître, » dit Marguerite en levant sur son beau-frère ses yeux tranquilles. « Il faut éviter de le troubler inutilement. Dites-moi, Charles, la prochaine fois que vous irez le voir, voulez-vous m'emmener ?»« Vous ?» fit Langlois surpris. « Oui. » Il me semble que si quelqu'un a quelque droit à lui porter des consolations, c'est moi. Je sais que je ne peux rien lui dire d'utile, que je ne peux lui servir à rien, mais je crois que s'il me voyait, cela lui ferait du bien. Dans tous les cas, cela m'en ferait à moi. Langlois jeta un coup d'œil de médecin sur sa belle-sœur et remarqua tout à coup la pâleur du teint, la rougeur fiévreuse des joues. « J'essaierai d'obtenir une permission, » dit-il. « Mais, » objecta Claire, c'est avoué hautement que Marguerite est la fiancée d'André. « C'est précisément ce que je veux, » répondit doucement la jeune fille. « Sans moi, s'il ne m'avait pas rencontrée, il ne serait peut-être pas dans l'embarras où il se trouve. Il est juste que j'ai ma part de responsabilité. Ne me refusez pas, Charles. Vous m'obligeriez à insister, et cela me ferait beaucoup de peine. Je sais que de telles démarches sont absolument contraires aux usages. Mais dans cette affaire, tout n'est-il pas contraire aux usages ? « Laissez-moi donc porter à celui qui sera mon mari la part de consolation que je lui tiens en réserve. »« Je ferai ce que vous voudrez, Marguerite, » répondit Langlois.